Comment tu me diras pas j'ai raison? Ça va rien que moi. Tu vois ce que je dis? M'attendre 2 ans, m'a dit, ben Pauline, attend 2 ans. Là. Fait que moi, automatiquement, ben, je suis aux arbres. Fait que je pars. Mais, ça, c'est une prérogative de tous les hommes. C'est une prérogative de tous les hommes de s'acheminer lentement, d'accord, vers une dimension de leur intelligence qui convient parfaitement à leur ego comme à leur esprit. Mais aussitôt que vous commencez à être dans votre intelligence libre, là, votre ego rentre en jeu à cause du conflit avec l'intelligence karmique. Et c'est à vous autres de réaliser que quand vous sentez le feedback, ne pas vous en occuper. Occupez-vous-en jamais du feedback. D'ailleurs, il m'a vous dit d'autres choses. Ça va vous montrer jusqu'à quel point c'est révélateur. C'est impossible à l'homme de se tromper. C'est impossible à l'homme de se tromper quand il parle. Savez-vous quand est-ce que l'homme se trompe? Quand il questionne ce qu'il dit. C'est impossible à l'homme. Moi, je pourrais prendre n'importe quelle personne parmi vous autres là, qui me parlerait, puis je vais dire, parle-moi donc de telle affaire, là. Les mots vont sortir croche, ça sera pas correct, mais je vais lui montrer que c'est ce qu'il voulait dire que lui, il peut pas voir. Vous voyez même pas ce que vous dites quand vous servez de votre intelligence libre, parce que vous avez encore trop d'intelligence karmique. Mais vous dites pareil. Ça, vous appelez, vous autres, ça, de l'intuition. Mais vous le dites tellement croche que ça apparaît à l'ego comme étant croche. Puis dans le fond, c'est pas croche. C'est juste que c'est pas drouette. Alors, qu'est-ce qui se fait? Vous vous repliez sur votre intelligence karmique. Puis vous attendez que le bon Dieu en haut vous ouvre les centres. Si aujourd'hui vous êtes plus intelligent qu'avant, c'est pas parce que vous n'étiez pas intelligent avant. C'est parce que vous n'aviez pas réalisé comment l'être. Moi, je vous ai montré comment l'être. Je ne vous ai pas fait passer des initiations pas tant de conflits. Je vous ai fait réaliser comment l'être parce que l'intelligence karmique ne peut pas faire réaliser à l'homme combien il est intelligent parce que l'intelligence karmique n'est pas intelligente. L'intelligence karmique n'est pas intelligente. Elle est ignorante. Même si elle apparaît intelligente. Elle est ignorante pareil. Fait que même si Descartes dit « je pense, donc je suis », c'est encore ignorant pareil, mais dans le temps, c'était pas mal intelligent pour le monde. Tellement que tout le monde en parle. Mais de dire que « je pense, donc je suis », c'est ignorant. Parce que t'as pas besoin d'être pour penser, moi je pense pas que je suis pareil. Je compte pas là-dedans, moi. Avec vous autres. Vous vous dites, moi, je suis en limbo. L'intelligence karmique, c'est ignorant. Mais les hommes, ils ne comprennent pas ça, c'est ignorant. Parce que quand on parle d'ignorance, ça veut dire pas à l'université. Ça n'a pas l'importance que tu sois à l'université, que tu ne sois pas à l'université, c'est ignorant pareil. L'ignorance, c'est la congestion de l'esprit. L'ignorance, c'est l'incapacité à l'esprit de faire vibrer l'ego. C'est la mémoire qui fait vibrer l'ego. C'est ça de l'ignorance. Fait que même si elle est bien racinée, votre ignorance, puis on appelle ça du doctorat, ignorant pareil. Et dans l'intelligence karmique, il y a une impuissance. Et cette impuissance-là relève du fait que l'homme est incapable de canaliser sa puissance. Et qu'est-ce que c'est la puissance de l'homme? C'est le pouvoir de son esprit sur la terre. La puissance de l'homme, c'est le pouvoir de son esprit sur la terre qui fasse n'importe quoi avec ce pouvoir-là. Ça fait partie de sa puissance. Et l'homme est un être qui est en puissance. Mais sa puissance est diminuée par le fait qu'il est dans son intelligence karmique. Donc, l'esprit ne peut pas faire sur la terre ce qu'il veut. Et c'est à l'esprit de l'homme de faire sur la terre ce qu'il veut. C'est pas à l'ego de l'homme. Donc, ce n'est pas en fonction de son intelligence karmique que l'homme pourra faire ce qu'il veut sur la terre. C'est en fonction de son intelligence. Si les hommes qui se conscientisent s'aperçoivent au cours de leur conscientisation qu'ils sont incapables de parler sans vibrer en dedans, parce qu'ils sont en formation. Le corps mental se développe, la tombe se situe, se développe, prend de l'ampleur sur le plan vibratoire. Fait que c'est normal que les hommes vivent en dedans quand ils parlent, qu'ils se fâchent parce qu'ils n'ont pas le mot juste, qu'ils se fâchent parce que ça sort tout croche. Puis j'y comprends. C'est normal qu'on se forge parce que ça sort tout croche ce qu'on dit. Mais le point n'est pas là. Ce qui est important, c'est que ça sorte. Que ça sorte croche, c'est normal. Puis avec le temps, bien, ça sort plus droit. C'est ça qui nous fait prendre conscience de notre intelligence libre. Et c'est ça qui tue la réflexion dans notre ego. Parce que la réflexion dans notre ego, elle est le conflit, le produit du conflit entre l'intelligence libre et l'intelligence karmique. Qu'est-ce que c'est de l'ego? C'est le conflit entre l'intelligence libre et l'intelligence karmique. C'est ça, là, l'ego. Alors, quand je disais tout à l'heure, tout votre moi, là, votre conscience personnelle, c'est de l'intelligence karmique, c'est ça que je dis. Plus vous entrez dans votre intelligence libre, moins il y en a de moi. Éventuellement, il n'y en a plus de moi. Vous ne sentez plus ça. Vous ne sentez plus ça. Dis-moi. Il y a quelque chose de créatif. C'est votre esprit. Fait que quand tu es rendu à un point où il n'y a plus de moi, puis il n'y a rien que ton esprit, mais à ce moment-là, qu'est-ce que vous vivez en tant qu'être? Vous vivez une communication instantanée. Puis ça, je vais en parler parce que c'est un point que je veux faire. Moi, des fois, je vais dire... Je vais dire à l'homme, je vais dire, laissez faire eux autres en haut qui mangent la merde. Eux autres en haut. On parle d'eux autres en haut, je suis obligé de parler d'eux autres en haut pour vous faire prendre conscience qu'il y a de l'intelligence d'autres plans qui communiquent avec nous. Puis après ça, je change mon vocabulaire. Puis après ça, je vais dire, il y a quelque chose en haut. Mais il y a quelque chose en haut, c'est toi. Mais pour que tu réalises qu'il y a quelque chose en haut, c'est toi, il faut que je te dise d'abord qu'il y a quelque chose en haut, c'est eux autres. Parce que si je te dis que c'est toi qui est en haut, puis que tu as encore ton intelligence karmique, tu vas partir en ballonne. Là, tu vas spiritualiser ton être. Là, tu vas te penser que tu es sous d'autres plans. Là. Puis là, tu vas commencer à interpréter par l'intelligence karmique la réalité. Fait qu'automatiquement, tu vas commencer à dire, bon, moi, je suis multidimensionnel, là. Je suis là, puis je suis là, puis je suis là. Mais toi, tu réalises pas que moi, quand je dis que l'homme est multidimensionnel, je me sers d'une façon de parler pour expliquer à l'homme d'autres choses que je veux dire, parce que je vous prépare toujours quelques mois d'avance. Je vous prépare toujours quelques mois d'avance pour vous faire digérer ce que j'ai à vous dire là, pour qu'il fasse le travail, pour vous amener à comprendre d'autres choses, pour vous amener à comprendre d'autres choses, pour qu'un jour vous réalisiez une chose, que l'homme, ça n'existe pas. Mais je peux pas vous faire amener ça tout de suite dans les séminaires, vous allez sacrer votre camp. Ça prend du temps pour vous faire réaliser que l'homme n'existe pas. C'est tellement vrai que l'homme n'existe pas, que la construction moléculaire de l'homme, elle est maintenue en vie par l'énergie de son esprit à travers l'activité de l'intelligence karmique qui se sert du corps astral pour donner à l'homme des yeux qui voient son corps physique des miroirs. Qui peut se sentir. C'est tellement réel, ça, que quand tu sors de ton corps le soir parce que tu dors, tu t'aperçois que t'es quelque part, que t'es réel, que t'es fonctionnel, mais que t'es pas la même chose que t'es dans ton corps physique. Mais que t'es essentiellement ça, plus d'autres choses que tu réalises pas, mais c'est un autre plan. Fait que, si tu réalises c'est un autre plan, puis que t'as pas de corps physique, puis si tu réalises c'est un autre plan, tu te réalises plus réellement que quand tu es dans ton corps physique, ça veut dire que quand tu es dans ton corps physique, tu perds conscience de ce que tu es sur un autre plan. Autrement dit, il y a une partie de ton énergie sur un autre plan qui sert à manufacturer l'énergie très basse vibration qui sert à ton corps physique. Donc, quand tu es dans ton corps physique, tu ne peux jamais être totalement dans ton intelligence libre. Pour que tu sois totalement dans ton intelligence libre, il faut que tu sois fusionné. Parce que quand tu es fusionné, tu n'as plus besoin d'être dans ton corps physique pour être conscient que tu n'es pas dans ton corps physique. Tu le sais que tu n'es pas dans ton corps physique. Puis le fait que tu sais que tu n'es pas dans ton corps physique, c'est le support vibratoire de ton esprit. C'est... T'es tellement conscient de ne pas être dans ton corps physique que t'es capable de t'entendre parler dans l'éther. T'es capable de t'entendre parler dans l'éther et de voir que l'énergie, elle passe par tout le réseau puis elle finit par le corps physique. Fait que t'as plus besoin à ce moment-là de t'interroger sur ton intelligence karmique parce que tu sais, puisque t'es dans l'éther, que t'as pas besoin de vérifier ce que tu dis, parce que dans l'éther, il n'y a plus d'intelligence karmique. Parce que dans l'éther, il n'y a plus d'astralité dans l'intelligence. Donc, ton corps astral, il sert à quoi? Il sert simplement à te permettre de passer de l'éther à la matière en pouvant maîtriser l'énergie au niveau d'une certaine vibration qui est le corps astral. Donc, tu te donnes, tu t'emploies dans la matière à être présent parmi les hommes, comme tu t'emploies dans l'éthérique à être présent parmi beaucoup plus d'hommes qui sont vous autres dans un autre temps. Autrement dit, moi je vous parle ici, puis j'ai du fun, j'aime ça vous parler ici, c'est intéressant. Je suis capable de vous parler de l'autre bord, puis de vous voir de l'autre bord, puis savoir ce que vous faites de l'autre bord. Je suis capable même de vous informer ici de ce que vous faites de l'autre bord. Puis il y en a une parmi vous autres qui est capable de comprendre ce que je dis, puis c'est encore elle, la femme à M. Robida, parce que la femme à M. Robida, elle a certaines connexions avec l'éther à travers son astralité, qui lui permet de voir instantanément ce que je dis, moi, présentement. Donc, Mme Robida est capable de voir une partie de monde, une partie parmi vous autres, qui sont vos bords et qui travaillent dans des laboratoires pendant que l'autre partie est ici dans la salle. C'est pour ça que je vous dis, C'est important pour vous autres de comprendre la liaison qui existe entre votre intelligence karmique et votre intelligence libre, afin de pouvoir réaliser une fois pour toutes que si vous entravez l'évolution d'une personne, ou si vous critiquez une personne, ou si vous n'êtes pas capable d'être dans un même esprit avec une personne, vous allez automatiquement déclencher dans l'éther des énergies qui vont passer par l'astral et qui vont empêcher que vous puissiez être sur le plan matériel en bonne compagnie avec ceux qui sont dans un bon esprit. Donc, il va y avoir une scission, une séparation entre vous et ces personnes-là, et automatiquement, ça retarde l'évolution de la conscience supramentale de la Terre. C'est pour ça que quand je vous explique le mécanisme de la critique, ça va bien plus loin qu'on peut se l'imaginer sur le plan matériel. Ça va au-delà des frontières de la conscience ou de l'intelligence karmique pour permettre à l'homme de s'assujettir égoïquement à son intelligence libre en prenant la souffrance de l'ineptitude psychologique, mécanique de l'astralité humaine qui est manifestée à travers vos personnes tant que vous ne serez pas dans un état de fusion suffisamment avancé. Vous ne pouvez pas vous permettre de critiquer un autre être humain parce qu'on est mission et on est tous en voie de préparer la tombe de notre corps mental supérieur. Donc, il n'y en a pas un parmi nous autres qui a le pouvoir de critiquer l'homme. Mais tous ont le pouvoir éventuel de faire des observations objectives de l'être qui, dans ce temps-là, sont faites d'une façon tellement juste et précise que l'être apprend quelque chose et toi, en tant qu'être dans la matière, apprends quelque chose. Si vous critiquez des êtres qui se conscientisent, vous allez amplifier la vibration astrale dans vos relations humaines et vous allez vous séparer de personnes qui, autrement, pourraient devenir pour vous des réserves d'expérience au niveau de l'étude du comportement humain. Donc, vous vous appauvrissez. C'est très facile de critiquer. C'est très difficile de créer. Et quand il y a des gens qui critiquent trop des gens, parce qu'ils ne voient pas derrière la forme et qu'ils ne voient pas leur intelligence libre, à ce moment-là, moi, automatiquement, pas parce que je le veux, mais je suis obligé de vivre des changements vibratoires moi-même. Et je suis obligé de diminuer mon amitié pour eux autres. Et quand je diminue mon amitié pour une personne, c'est vibratoire. Tu sais, je peux dire bonjour, allô. Mais je suis plus là comme avant. Avant, j'étais plus là. Là, je suis moins là. Et ça va se faire de la même façon avec les gens qui vont se conscientiser. Les gens qui vont se conscientiser vont à un certain moment être coupés vibratoirement de gens qui critiquent trop d'autres personnes. Ça va se continuer comme ça, puis ça va se répandre comme une traînée de poudre. Et c'est ça qui va créer le noyau de la sixième. Parce que il faut jamais s'imaginer que le temps est un facteur dans la vibration de conscience d'un homme. Il y a des gens qui me connaissent depuis 2 ans, il y a des gens qui me connaissent depuis 10 ans, il y a des gens qui me connaissent depuis 15 ans, puis il y a des gens qui me connaissent depuis 2 ans, 3 mois. Et c'est la vibration dans l'intelligence libre de l'homme qui compte. C'est pas la vibration ou l'état psychologique de son intelligence karmique. Alors, il y a des gens que je rencontre, il y a des gens que j'ai même pas rencontrés, il y a des gens que je rencontre dans un avion et qui déjà sont dans une intelligence libre suffisamment avancée pour que les relations entre nous autres soient très, très, très viables. Donc, c'est pas une règle de mesure que les gens soient venus d'un séminaire de 2 ans ou que les gens soient venus d'un séminaire de 3 mois. Ne tombez jamais dans cette trappe-là parce que vous allez spiritualiser votre intelligence karmique et vous allez vous donner une valeur psychologique qui va être comparative et automatiquement, vous allez faire une grave erreur. Parce qu'il y a des gens qui sont jamais venus d'un séminaire, qui sont dans le monde, qui sont très avancés dans leur intelligence libre, qui connaissent pas nécessairement la mécanique que je vous explique parce que je les ai pas rencontrés, mais qui sont suffisamment dans leur intelligence libre pour être en très très grande harmonie avec vous autres ou pour vous parler au niveau d'une intelligence libre qui est encore supérieure à la vôtre. La paix de la critique, c'est bien stupide. Bien stupide. Ça prend une sorte pour sentir et pour vivre notre intelligence libre, ça prend une sorte de patience à notre intelligence. Charlie me contait un événement qui s'est produit de même. Il dit, j'ai rencontré, je ne sais pas si c'est un dentiste ou un médecin dernièrement. Puis j'ai parlé, on a parlé ensemble, c'est tout. Puis le médecin, naturellement, étant dans son intelligence karmique, il a dit quelque chose à Charlie. Puis Charlie, au lieu de sauter tout de suite aux conclusions, pour vous être dans le conflit entre l'intelligence libre et l'intelligence karmique, il a attendu un petit peu. Il a laissé dire son affaire karmique, son affaire d'intelligence karmique, il a laissé dire, puis ensuite il a laissé parler, puis ensuite le temps est venu que lui a parlé, puis tout d'un coup, whoop, le gars a commencé à rentrer dans son intelligence libre, puis Charlie puis lui ont eu une belle conversation. On a une mauvaise habitude, nous autres, les hommes, qu'aussitôt qu'on interpelle ou qu'on se fait interpeller ou qu'on entre en contact ou en dialogue avec une personne, aussitôt que le gars sort quelque chose qui vient de l'intelligence karmique, on va dire « Non, non, c'est pas ça, c'est ça! » C'est une très mauvaise habitude. L'intelligence libre, quand elle est présente, elle est patiente, elle est capable d'attendre que le gars vide son sac là, d'intelligence karmique, là. Puis après ça, un petit peu d'intelligence libre qui rentre, puis un petit peu d'intelligence. Puis éventuellement, il se désarme, puis éventuellement, l'intelligence karmique est désarmée, puis éventuellement, ça permet au gars de rentrer dans l'intelligence libre. Puis là, il y a une sympathie vibratoire qui s'établit entre eux. Vous devenez des chats. Mais il y en a, c'est tout de suite l'intelligence, c'est tout de suite le combat entre leur intelligence qui devient libre, puis l'autre qui est encore dans son intelligence karmique. Ça ne demandez-vous pas pourquoi vos relations avec les hommes ne sont pas faciles. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les gens comprennent ou saisissent des choses comme vous les saisissez après 2 ans de séminaire. Il faut que vous attendiez, mais n'oubliez pas qu'ils l'ont pareil, l'intelligence libre. Il n'y a pas un homme qui n'a pas un petit peu d'intelligence libre, mais les hommes vivent tous au niveau de l'intelligence libre. C'est à vous autres de l'avoir, cette intelligence libre-là, puis d'attendre qu'à... puis de aider à ce qu'elle transperce. Donnez un coup de main au gars pour... Mais s'il tape sa tête, non, c'est évident, c'est un chauffeur de taxi, Charlie, c'est fini. Putain, il y a des gars dans les chauffeurs de taxi qui sont pas mal au bout. Moi, j'ai rencontré un nègre haïtien la semaine passée dans le taxi. Il y avait le livre de Nostradamus à côté de lui. Si le gars il a le livre de Nostradamus à côté de lui, c'est parce qu'il rentre dans son intelligence libre. Pour commencer, je suis le nord de Montréal, je m'ai expliqué ça, tu as l'air, c'est un truc de moi. Le gars, il aurait dit, paye-moi ton ticket, là. Je fais mon niaiseux. C'est intéressant, c'est pareil qu'il y a bien du monde qui lit ça. Et là, je le nourris, là. Je dis qu'il y a bien du monde qui lit ça, fait qu'il est content, il n'est pas de ça. Ça, c'est un point de moi. Plein de choses que tu sais, quoi, il ne veut plus que tu payes le taxi, il y a une belle conversation, il dit ça va aller mal. Je viens de trouver 2 gars. Ça, c'est l'intelligence karmique. C'est wise. Tu sais? C'est pas wise, Chris, c'est intelligent! Comment tu vas? C'est intelligent! C'est pas wise! Mais je comprends ton. Je comprends ce que tu dis. Je comprends ce que tu dis. C'est toujours là d'intelligence karmique. C'est toujours là. C'est vrai. Fait qu'imagine-toi si lui dit c'est vrai, puis il y a un gars qui ne nous connaît pas, il va dire ouais, mais Bernard de Montréal, il se sert de sa parole pour aller se tirer de l'argent d'impôts pour pas de taxes. C'est vraiment spirituel. Comment vous dites, je vous montre, la mécanique de l'intelligence comme instrument. Pas Weiss, intelligence. Parce que ça va des deux bords, l'intelligence. J'aurais pu dire non, non, c'est tout là-dedans. Ça l'a fait plaisir. Mais je te l'ai pas dit encore, si j'ai redonné. Oui, hein? J'ai dit juste assez pour que tu vibres au niveau de l'intelligence karmique. Je te fais comprendre. Mais j'ai redonné. Ben, ça neutralise l'intelligence karmique. C'est-tu à fond? Mais tu comprends ce que je veux dire? Bon, ah, c'est pour ça. C'est stylé parce que ça, c'est le genre de réponse que tu donnes. Pourquoi? Parce que ton intelligence karmique va toujours te faire. C'est intéressant, toi, comme personne. Ton intelligence karmique, tu vas toujours essayer de te faire voir le côté d'une action. Le côté avantageux. Ça, c'est bon, dans un sens. Parce que ça te permet de te protéger. Mais il faut que tu vois l'autre côté ici. Les deux bords. Et c'est ça qui est intéressant dans le phénomène de la critique. Parce que dans le phénomène de la critique, l'homme doit être capable de voir les deux bords. Toujours voir les deux bords. Si tu vois un qu'un bord, si tu dis un qu'un bord, ben à ce moment-là, tu amplifies la vibration de l'intelligence karmique. Mais si tu peux rentrer dans la vibration de l'intelligence karmique, puis rentrer dans la vibration de l'intelligence libre, à ce moment-là, tu vois les deux aspects d'une situation. Tu peux jouer avec les deux. Si quelqu'un fait quelque chose qui est croche, tu peux voir pourquoi ce qu'il fait que c'est croche. Puis tu peux voir pourquoi ce qu'il devrait faire. On voit bien plus facilement, nous autres, pourquoi est-ce que c'est croche, que pourquoi est-ce qu'il devait le faire. Parce que notre intelligence karmique est toujours à l'affût du matériel. L'intelligence karmique, elle se nourrit. L'intelligence libre crée. L'intelligence libre, elle crée. L'intelligence libre ne se nourrit jamais. Ça, c'est un point que je veux développer. L'intelligence libre n'a pas besoin de se nourrir parce que les réserves de son énergie sont sur le plan mental. Et sur le plan mental, l'énergie, elle est contrôlée par le double éthérique moroncialisé de l'homme. Tandis que sur le plan astral, l'énergie karmique est obligée de se nourrir parce que elle naît de la mémoire d'âme. Et l'âme est obligée de créer des conditions. Elle est obligée de prendre dans le corps astral humain tout ce qui est motif. Et c'est avec ça que se nourrit l'intelligence karmique. Tandis que l'intelligence libre n'a pas besoin de se nourrir. Ça, c'est un grand phénomène que je vous dis que c'est à cause du fait que l'intelligence libre n'a pas besoin de se nourrir qu'elle est infinie. Parce que l'intelligence libre n'est pas assujettie aux lois de la matière, autrement dit, aux lois des sens. Elle est loi. Elle est loi. L'intelligence libre, c'est la loi. L'intelligence libre, c'est la loi. Autrement dit, l'intelligence libre, dans sa manifestation, sur un plan ou sur un autre, elle est la loi. Pourquoi? Parce qu'elle est l'activité de l'esprit. Donc, l'esprit est la loi. Pourquoi? Parce que tout naît de l'esprit. Toute créativité naît de l'esprit. Que ce soit un esprit à un certain stage d'évolution, ou que ce soit un esprit à un autre stage d'évolution. La loi, c'est qu'est-ce que ça veut dire, la loi? C'est l'organisation des matières en fonction de la créativité de l'esprit. C'est ça une loi. Alors, si l'esprit établit que les planètes doivent circuler une autour des autres avec des champs de force, ça devient des lois mécaniques pour l'étude astronomique, mais ce sont des lois qui sont le produit de l'activité de l'esprit dans les étages qui maintient les planètes en orbite. Autrement dit, c'est l'esprit qui maintient les planètes en orbite. Il y a des êtres dans l'univers dont la fonction, c'est de maintenir les planètes en orbite. C'est leur job, ça, de maintenir les étages en orbite. Si ces êtres-là changent de poste, sont obligés d'être remplacés par d'autres, et s'ils ne sont pas remplacés par d'autres, les planètes sont entrées en collision. Donc, la loi, c'est l'esprit. Donc, quand l'homme est dans son intelligence libre, il est la loi. Il est loi. Il légalise. Il crée des conditions à un niveau ou à un autre qui servent à lui. Donc, il n'y a pas besoin d'être nourri. Son intelligence n'a pas besoin d'être nourrie puisqu'elle est esprit. Mais tant que l'homme n'est pas dans ce niveau-là, tant qu'il n'est pas dans cette fusion avec l'esprit au niveau de son ego, à ce moment-là, son intelligence doit être nourrie, et elle est nourrie par ses émotions et son intellect, parce que c'est la façon dont l'âme se sert pour entraver le pouvoir de l'esprit sur la terre, pour permettre qu'elle s'assied dans l'âme pour la domination de l'ego et pour le résultat que l'on connaît, qui est l'involution sur la terre. Ça fait partie, c'est un grand. Moi, des fois, quand je fais mon... Des fois, j'aime ça. C'est comme si j'aimerais ça me réfléchir. J'aimerais ça avoir de la réflexion. J'aimerais ça avoir de la réflexion dans mon ego, comme vous autres, vous avez, pouvoir mesurer. Parce que c'est plate pour pouvoir mesurer. T'es toujours... t'es comme un poisson dans une vase. Océanie. Des fois, j'aimerais ça mesurer, avoir une idée de qu'est-ce que c'est de l'intelligence. Qu'est-ce que c'est, tu sais. Puis, tu peux pas. Tu peux pas. Fait que la seule façon que t'as, ben, c'est en parlant du monde. Si je parle à quelqu'un de bien intelligent, mais ça me fait un petit peu de feedback. J'aime ça. Ça me permet de mesurer un petit peu. De pas être seul dans cette énergie-là. De vivre l'effet du miroir. Des fois, je me dirais du monde, mais explique-moi donc, moi, parle-moi donc de moi. Pour avoir l'effet du miroir. Il y en a qui sont bons, ils parlent de moi. C'est de faire. Puis sans ça, t'es tout le temps tout seul dans ton esprit, tout seul. Hein. Puis des fois, c'est plate d'être seul dans ton esprit. Fait que c'est pour ça que t'aimes ça être avec l'âme, t'aimes ça être avec les êtres humains. Fait que le mouvement entre l'intelligence karmique et l'intelligence libre, c'est un très, très grand mouvement. Et c'est le mouvement opérationnel de la nouvelle évolution. Perdez jamais, surtout ceux qui sont dans les études ou ceux qui sont dans des études ésotériques ou comme lui ou d'autres, perdez jamais de vue que votre intelligence libre peut être un parapluie à tout ce que vous étudiez dans la connaissance ésotérique qui fait partie de l'intelligence karmique de l'humanité. Et à partir de ce moment-là, vous allez commencer à aimer votre étude. Parce qu'au lieu de simplement étudier, autrement dit, au lieu de simplement emmagasiner du matériel pour votre intelligence karmique, vous allez percer des frontières. Et en perçant des frontières, vous allez prendre plus conscience de votre intelligence libre, vous allez être plus libre dans votre intelligence, vous allez canaliser plus d'énergie sur le plan humain, et automatiquement, vous allez pouvoir vous servir de vos notions qui font partie de l'intelligence karmique, et de leur donner une couleur au lieu de leur donner simplement un son. Autrement dit, vous allez leur donner une lumière au lieu de donner simplement un son. Et à ce moment-là, les gens qui se serviront de votre enseignement filtré par votre intelligence libre pourront aller plus vite dans la dénonciation du pouvoir de l'intelligence libre à travers les cosmogonies pour rentrer eux autres dans leur tour, dans leur intelligence libre. Si l'homme n'a pas conscience que son intelligence est karmique, il n'a pas conscience que son intelligence diminue son intelligence. Moi, là, si j'étais à Saint-Nil tout seul, là, je n'aurai pas personne avec qui parler, je ne pourrai pas mesurer la liberté de mon intelligence sur le plan matériel. Je serai obligé de changer de plan. Sur le plan matériel, ce serait impossible. À moins d'écrire des livres. Si je prenais du papier, là, puis un crayon, là, j'écrirais des livres, là, je pourrais mesurer mon intelligence libre parce que je la verrais. Il faut que je la canalise. Le livre deviendrait la personne à qui je parle, qui m'écoute, muet. Mais si j'avais pas de livre, je serais obligé d'écrire dans le sort. Tu peux pas mesurer ton intelligence libre si tu n'es pas en communication avec un partenaire, que ce soit un livre ou que ce soit une personne. Par contre, puis regardez ça, c'est maudit. Tu peux mesurer ton intelligence karmique en pensant. C'est-tu au bout? Fait que le gars, il est chez eux avec sa pipe, tu sais, professeur d'université, puis il pense. Il pense à des problèmes, puis il pense, puis il pense, puis il développe, puis il développe. Puis il développe, puis il développe. Là, il peut mesurer son intelligence karmique. Mais tu ne peux pas faire ça au niveau de l'intelligence libre. Parce que l'intelligence libre, ça se pense pas. Ça se parle. Puis c'est tellement vrai, ça, que l'intelligence libre, ça se pense pas, ça se parle, que des fois, tu es tout seul chez vous. Puis il y a des affaires dans le monde qui se passent, qui sont intéressantes. Puis tu te parles dans ta tête, puis ça te répond. T'en parleras d'un séminaire. Ou t'en parleras tout à l'heure avec ton chum. Autrement dit, l'ego a tellement peu de pouvoir. Autrement dit, il y a tellement plus d'intelligence karmique dans l'ego que l'ego est même plus capable de s'abreuver de l'intelligence libre. Il est obligé d'attendre de parler à quelqu'un pour qu'elle serve. Autrement dit, l'intelligence libre, ça sert tout le temps, tandis que l'intelligence karmique, ça sert l'individu. L'intelligence libre, ça sert l'homme à qui tu parles, puis ça te sert toi quand tu canalises, puis l'intelligence karmique, ça te sert toi tout seul. Ça sert pas à personne d'autre. Y en a-tu parmi nous qui sont intéressés à entendre parler le monde? Quand ils sont dans leur intelligence karmique? Si vous regardez votre expérience dans la société aujourd'hui, dans les bureaux, quand vous rencontrez les secrétaires puis les boss, là, vous êtes plus intéressé comme avant à écouter parler que c'est le Canadien qui a gagné hier soir. Avant, vous étiez plus intéressé, mais aujourd'hui, ça commence à diminuer, chez certains, en tout cas. T'es plus intéressé. Puis il vient un point, t'es plus intéressé par tout à ce que l'intelligence karmique a dit. Là, rendu à ce temps-là, t'es obligé de changer de job. Mais tu comprends ce que je veux dire? Mais t'es intéressé simplement à parler avec des gens qui ont de l'intelligence libre pour pouvoir canaliser. Sans ça, t'es plus intéressé? Tu vas avoir de la patience, tu vas respecter la personne, tu vas dire oui, oui, blablabla. Mais t'es plus intéressé. Ça ne vibre plus en dedans au niveau mental et émotionnel. Ça ne vibre plus au niveau de ton intelligence karmique, ce que ton patron a dit, ou ce que le gars a dit, ou qui c'est qui a gagné le dernier jeu de football. Ça t'intéresse plus. Avant, ça t'intéressait. Mais ça, ça t'intéresse plus. Autant. Puis demain, ça t'intéresserait plus partout. Que les Canadiens perdent ou qu'ils gagnent, moi. Mais c'est important que le gars, que les Canadiens gagnent pour le gars, puis il dit, qui c'est qui va gagner? Moi, je dis, c'est Canadien. Ça lui fait plaisir. Fait que je détruis le conflit entre mon intelligence libre et son intelligence karmique, que ça me semble des jobs. Sans ça, ça crée une polarité. Pour ça, des fois, moi, je me pose la question tout à l'heure, pourquoi tu n'es pas capable de vivre dans notre tête? Pourquoi tu n'es pas capable, comme des fois, on pense des affaires, on se dit, comment ça se fait que tu n'es pas capable de capter les pensées qu'on a? C'est parce que les pensées, c'est strictement... Ça fait partie de votre intelligence karmique. Donc, ça n'a pas aucun lien avec toi. C'est trop bas en vibration. C'est ça. Il faudrait que je capte vos pensées, moi, je mourrais. Parce que les maîtres spirituels sont capables de les capter. Ben oui. C'est pour ça que c'est ça. Ils sont dans la même énergie. C'est une perte d'énergie. T'as assez de ta propre communication intérieure sans aller de même. Mais non, il a essayé ça avec moi une fois quand tu me rencontres. Il dit ça, Ménard, ça? Il a essayé de faire de télépathie avec moi. Ou il en parle avec moi. Il va vous expliquer ça, lui, si vous arrivez à travers. Parce que ça marche pas de même. Moi, je suis pas intéressé à communiquer télépathiquement avec le monde. C'est une perte d'énergie. D'ailleurs, je vous ai déjà expliqué que ça marche pas de même, la télépathie. Thank you. c'est ce qui se passe. Quand je vous explique, vous autres, là, c'est ce qui se passe. C'est parce que je t'ai informé de votre intelligence karmique. Je vous explique. On sent toujours un peu brimer quand on parle, parce que ça brise la séclusion créée par la conscience karmique. Exactement. Parce qu'il n'est pas intéressé à sortir de ça, parce qu'il veut toujours revenir par en dedans. Ouais. L'intelligence karmique, elle se regarde tout le temps. Tout le temps. L'intelligence, elle ne se regarde pas. Elle n'a pas de miroir. C'est pour ça qu'elle fâle. Vous savez que l'intelligence, elle, ça fait partie du grand plaisir de la vie. Mais elle ne se regarde pas. Aussitôt que tu te regardes, c'est final. Tu tombes dans la comparaison, dans l'étude personnelle. Tu étudies tes pensées, tu étudies. C'est une perte d'énergie, tu dis. C'est pour ça qu'il faut que l'homme réalise que son intelligence karmique, elle est très puissante et qu'elle ne le lâchera pas tant qu'il ne rentrera pas dans l'intelligence libre. Puis l'homme ne peut pas rentrer dans l'intelligence libre tout d'un coup, il faut qu'il rentre lentement parce que l'intelligence karmique lui donne un soutien émotionnel. Tandis que l'intelligence libre, dans l'intelligence libre, tu n'en as pas de soutien émotionnel. Parce qu'elle appuie pas son énergie dans le corps astral. Appuie son énergie dans le corps mental, puis dans le corps mental, l'énergie est très, très raffinée, puis il n'y a rien là pour l'ego. Tandis que dans l'énergie karmique, dans l'intelligence karmique, il y a beaucoup de matériel là pour l'ego. Beaucoup de matériel. L'ego, il se complaît d'être intelligent karmiquement. Mais éventuellement, il souffre d'être intelligent karmiquement parce qu'il s'aperçoit que l'intelligence karmique, c'est très, très limité. Mais ça se produit même quand tu commences à prendre conscience de son intelligence libre. Moi, quand je dis que l'homme doit un jour être tellement conscient que son intelligence libre, elle se manifeste seule sans l'aide de son ego, la fonction de l'ego devient simplement une fonction de canal. La fonction de l'ego ne devient plus une fonction de disposition ou d'attitude. Fait qu'il ne reste plus grand-chose à l'ego. Tandis que dans l'intelligence karmique, l'ego a toujours une vision quelconque de sa façon de penser. Pis si la façon de penser est bonne, puis elle avance, puis elle est progressive, puis elle est intéressante, mais l'ego, il se complète dedans. Puis au fur et à mesure que l'intelligence libre rentre, mais abrime ça, puis abrime ça, puis abrime ça, puis abrime ça, puis abrime ça. Puis là, ça crée un petit choc dans l'ego. Mais ça l'aide à rentrer dans son intelligence libre. Tout à l'heure, tu m'as fait une remarque qui est totalement neither here nor there. Puis je m'ai servi de la remarque. Parce que l'intelligence libre est toujours créative. Si j'avais été dans mon intelligence karmique, j'aurais pas pu dire quelque chose. Je me serais replié sous moi-même. Au lieu de créer quelque chose pour prendre la forme de ton intelligence karmique puis la faire sauter, pour qu'il rentre un petit peu plus d'intelligence libre. Puis quand on tombe dans le domaine des livres, puis quand on tombe dans le domaine des grandes connaissances ésotériques, c'est là qu'on voit jusqu'à quel point on a de l'intelligence libre puis de l'intelligence karmique. Si tu prends un livre, là, puis tu le lis, ce livre-là, puis t'es pas capable de faire sauter les formes, c'est parce que t'es prisonnier de l'intelligence karmique. Jusqu'à temps que tu puisses regarder le livre, là, puis voir à travers les formes. C'est... D'ailleurs, regardez les gens qui parlent en public, c'est plein d'erreurs psychologiques. C'est effrayant. C'est effrayant. Ça, souvent, ils sont obligés de lire des textes, pas se tromper. Mais là, il descend en vibration automatiquement. Parce que lire un texte, parler librement, c'est pas pareil. Il y a des gens qui disent, bon, mais, ouais, mais avec votre affaire, c'est, oh, ça vaut pas la peine de lire. Je dis non, c'est le fun de lire. Mais il va venir un point, ton intelligence libre, elle va voir à travers ton intelligence karmique, puis automatiquement, c'est là que tu vas perdre d'intérêt dans la lecture. Si ton intelligence libre voit à travers l'intelligence karmique du livre, tu perds intérêt. Parce que là, tu te nourris d'une autre source. Tu peux prendre l'intelligence karmique comme point de référence pour canaliser ton intelligence libre. Comme lui, il peut prendre la cosmogonie comme framework pour canaliser son intelligence libre. Là, c'est le fun. Mais si tu prends rien que le matériel d'intelligence libre à ce moment-là, tu vas développer une mémoire, puis elle va t'emprisonner, puis elle va couper le contact avec ton intelligence libre, puis éventuellement, moi, tu vas devenir un bon professeur. Tu vas pouvoir enseigner ça. Mais tu n'y donneras pas de vie. Fait que le karma, si on retourne au karma, on prend l'exemple de détruire une forme puis d'élever la vibration d'une forme puis faire entrer l'intelligence libre dans le contexte de l'intelligence karmique. Regarde ça. Le karma, il était, la notion du karma, elle a été donnée à l'homme pour créer en lui de la culpabilité. Parce que de la culpabilité, c'est une vibration qui est issue d'une notion provenant du fait que nous, les hommes, on n'a pas sur la terre le pouvoir d'être absolu dans notre intelligence. Donc, on est obligé sur la terre de vivre relativement notre intelligence. Donc, en vivant relativement notre intelligence, il y a toujours une hiérarchie de valeurs qui sert à mesurer notre intelligence, qui devient la mesure de notre comportement et de notre action. Donc, il y a une relation directe entre la culpabilité et le concept du karma. Tant que l'homme n'est pas dans son intelligence libre, il est obligé d'accepter le concept du karma parce qu'il n'y a pas d'intelligence libre pour le briser. Il est obligé de vivre la culpabilité parce qu'à l'intérieur de son intelligence karmique, la culpabilité fait partie de la confrontation entre les notions de l'intelligence karmique et le savoir de l'intelligence. Qu'est-ce que c'est de la culpabilité? C'est la différence, c'est la combat, c'est la différentielle entre l'intelligence libre et l'intelligence karmique. C'est ça la culpabilité. Alors, pour que l'homme perde la culpabilité, il faut automatiquement qu'il rentre dans l'intelligence libre. S'il est dans l'intelligence karmique, il faut qu'il vive. Ça va loin. Il y a 5 aspects à la culpabilité qui détruisent les fibres de l'esprit, autrement dit, les courants d'énergie entre l'esprit et le corps mental de l'homme. Le premier, c'est que quand l'homme n'est pas dans son intelligence libre, il n'y a pas suffisamment de liaison entre son ego et son esprit. Et comme il n'y a pas suffisamment de liaison entre son ego et son esprit, il est incapable de voir le truc de l'intelligence. Et toute intelligence est truquée. Parce que toute intelligence est le produit de l'organisation vibratoire de certaines énergies sur certains plans pour l'actualisation sur la Terre du phénomène humain à travers la conscience astrale et la conscience mentale inférieure de l'homme. Donc, toute intelligence est truquée. Toute intelligence est truquée, ça n'existe pas de l'intelligence qui n'est pas truquée. Tant que l'homme n'est pas dans l'intelligence libre, l'intelligence est truquée, parce que dans l'intelligence, il y a toujours un miroitement. Autrement dit, il y a toujours de la comparaison. Autrement dit, si l'intelligence libre pousse l'intelligence, repousse l'intelligence karmique, il y aura un sursis de culpabilité quelque part. Tu t'es senti un petit peu drôle quand tu as mis ton pain sur la table aujourd'hui. Hein? Il y a un petit feeling, il y a une petite affaire. Tu l'as pas mis là, parti bonjour, hein? Il y a tout, il y a une petite affaire, il y a une petite crasse, tu sais, il y a une petite affaire, c'est l'intelligence karmique. Il y a toujours un truc dans l'intelligence karmique, tout le temps. Dans l'intelligence, il n'y en a pas de truc. Puis deuxièmement, c'est que l'intelligence karmique, elle, emploie tout le matériel énergétique astral de l'homme pour sa continuité dans le temps et l'espace, sur le plan matériel et dans l'éther astral. Je vais vous donner une preuve. On va prendre quelqu'un qui a un contact astral intéressant, on va prendre elle. Vous allez voir, ça c'est subtil. Mandez-nous dans votre tête, donnez-moi une réponse mentale avant de me donner par la bouche. Mandez-nous dans votre tête, mandez-nous dans votre tête si, si je suis fin, moi. Ok. Mandez-nous s'il m'aime, moi. OK. Demandez pourquoi est-ce que moi je vous demande ça de même. Il n'y a pas de réponse? OK. OK. Mais vous dire, moi, pourquoi est-ce que je vous demande de même? Je vous le demande demain pour les amadouer, eux autres. Demandez-leur si c'est vrai. OK. Puis savez-vous pourquoi est-ce que je suis obligé de les amadouer? Parce que dans les plans astraux, quand ils savent que sur le plan matériel, il y a un initié comme moi, puis qu'ils ne peuvent pas jouer de game, ils vont répondre positivement pour garder la personne encore sous leur contrôle. S'ils vous répondent négativement à vous, là, ils peuvent vous perdre de contrôle. Parce qu'il y a d'autres aspects là-dedans. Mais s'ils vous répondent positivement, ils peuvent vous garder encore sous le contrôle, mais sans endommager votre progression vers l'intelligence libre. Puis le contrôle là, qu'ils gardent, là, c'est cette vibration-là que vous sentez en dedans, dans le plexus solaire. Qui vous amène, vous, à vibrer comme si vous aviez une sorte de c'est pas une crainte intense, puis c'est pas une intensité de crainte, mais c'est comme un petit mélange des deux. Comprenez-vous, vous dire? Bon, mais cette affaire-là, c'est ça qui vous coupe de votre intelligence libre. Si vous aviez pas ça, vous seriez dans votre intelligence libre, puis votre petite personnalité tranquille.